Comme Jacques Mesrine, les faits et gestes sont sujets à polémique. Si tu butes un flic, c'est comme dans un gangbang. Ouais. Le soldat inconnu, c'est le backup de banque qui me rend service. Acquiesce d'un geste, ici on peut pas poursuivre un tel vice. On les vise rose, la plupart sont habillés, manqués dans la fosse, ils finissent tous par être quadrillés. Le soldat inconnu, c'est celui-là qui est mort sans que sa famille le sache. À coup de hache, il finit ça comme du papier mâché. La viande hachée, la poussière comme du café. Sachez que la dignité de l'homme, elle est le fut depuis longtemps tachée. Dès lors qu'une balle de la police atteint des miens, la haine se reflète sur mon visage. J'perds ma plume d'écrivain, cette rage, tu peux la lire sur les lignes de mes mains. Et si les miens me donnaient un coup de main, j'élargirais le terrain, on craint. Mais souvent les mêmes pas sur la ligne de mire, y'a toujours pire. Et un petit espace pour s'en sortir.